Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour ce calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme de ce soir, c'est encore pas mal chargé, mais bon voilà, il y a de la matière. des documents tirés de l'INA, INA, Institut National de l'Audiovisuel. Ils ont des réserves inépuisables. Il faudrait que toutes les radios, toutes les télés, tous les gens qui veulent faire du cinéma, qui veulent écrire un roman, etc., puisent dans les archives de l'INA. Il y a énormément de choses qu'on tient à notre portée. Il suffit d'aller servir. Ben oui, c'est un service public. Voilà, avantage du service public. LCP, alors la chaîne parlementaire, hein, c'est-à-dire la chaîne du Sénat et de l'Assemblée nationale. Eh bien là, il y aura des extraits du discours de Jean-Luc Mélenchon, de François Ruffin, de Mathilde Panot, de Caroline Fiat. Il y aura aussi sur repiqué sur France Inter, eh bien, une histoire de Charline Vanhoecker, hein, la meilleure humoriste française. Oui, elle est belge. Ouais, on va le revoler, on va pas la laisser partir un jour. France Insoumise programme de la France Insoumise, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de programme, le programme de Macron. On n'en a jamais vu la couleur. Il a lancé des pistes, il a lancé des idées. Et puis le lendemain, il lançait une autre idée qui disait le contraire de la première fois. Comme ça, en faisant comme ça, en saupoudrant, il arrive à faire plaisir à un peu tout le monde. Hein, il disait, ben oui, le mouchoir est blanc. Et puis le lendemain, il disait le mouchoir est noir. Et puis l'autre fois, il disait le mouchoir est gris. Et puis l'autre fois, c'est le mouchoir est blanc et noir avec des carreaux, etc. Voilà. Alors il raconte n'importe quoi et il finit comme ça par saouler les gens. Et un certain nombre de personnes finissent par croire un peu la déclaration qui les intéresse eux. Voilà, ils oublient tout le reste. Hein. Ils retiennent le point de détail qui les a intéressés. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on gagne une élection et qu'on roule les gens dans la farine et qu'on leur a fait baver pendant 5 ans. Alors France Inter, donc Charline, France Insoumise, le programme de la France Insoumise. Là, c'est un programme qui a été écrit il y a plusieurs années déjà et qui peut être amélioré constamment. Ah oui, et il est amélioré. Et puis qui est applicable immédiatement. Hein, ouais, pas besoin de 18 mois comme Macron pour le mettre en application. Ce sont des idées simples, des choses élémentaires. Hein. Il faut respecter les électeurs, respecter les consommateurs, respecter les électeurs, respecter les gens. Alors des chants, des musiques, Chopin, Nocturne, Guichard, Mon Vieux, chanson que j'aime bien, alors je la passe souvent. Les cigares de Raoul de Godswarsveld, quand les cigares changeront de bouche, etc. Un chanteur, c'était Jean-Yann, qui faisait des émissions il y a plus de 50 ans, le dimanche matin sur Europe 1, passait assez souvent des chansons de Raoul de Godswarsveld. Il disait, c'est la Nana Mouskouri du Nord. Et la voix un petit peu rocailleuse pour une Namouskouri. Mais bon, c'était l'humour à la jorienne que certains apprécient encore, apprécient beaucoup, puis d'autres apprécient moins. Mais moi, je fais partie de la première catégorie. Je trouve que ce type-là, il a beaucoup secoué le cocotier. Eh oui. Et puis, la foule d'Edith Piaf. La foule. La foule, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde, la foule. Voilà. Nous sommes la foule. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 24 février ? Le 24 février 1525 en Allemagne, François Ier est battu près de Pavie par Charles Quint. Ce dernier a maintenant les mains libres pour s'occuper des affaires intérieures allemandes, notamment de la révolte des paysans. Eh oui, il y avait déjà des gens qui se révoltaient à l'époque. C'était pas des gilets jaunes, mais il y avait déjà des malheureux qui avaient des raisons de se plaindre et de le faire savoir. 1616, Vatican. Décret du Saint-Office, la proposition que le soleil soit le centre du monde et soit immobile est absurde et fausse. En philosophie, est formellement hérétique, étant contraire à la Sainte Écriture. Ah, vous voyez, hein ? Ah oui, c'est hérétique, c'est contraire à la Sainte Écriture. La proposition que la Terre n'est pas le centre du monde n'est pas immobile, mais qu'elle est aussi animée d'un mouvement diurne, est également absurde et fausse en philosophie et considérée en théologie pour le moins non conforme à la foi. Bon, alors la foi, oui, un peu, mais pas trop quand même. Hein. Ça peut être une drogue, 1655, France. Après une dizaine d'années de lutte, les délégués ouvriers de l'imprimerie arrivent à rencontrer les représentants patronaux. Cette première réunion n'a pas d'effet immédiat. Un point cependant est acquis, les compagnons imprimeurs sont reconnus comme des interlocuteurs valables par la puissance fédérale fédération patronale. 1655, il y avait déjà les syndicats en 1655. Ouais. Eh ben oui, on est en 2019, et puis, bon, allez, sans commentaire. 1848, France, la Révolution emporte Louis-Philippe et installe un gouvernement provisoire. Lamartine en fait partie, mais il y a suffrage universel, souveraineté nationale. Ils arborent le drapeau tricolore. Les ouvriers veulent que République démocratique et sociale veulent une République démocratique et sociale. Ils arborent le drapeau rouge. 1848-2019. Il y a eu du chemin de fait, hein. Mais du chemin de fait vers l'avant, à certaines époques, et puis du chemin qui est fait vers l'arrière. Il semblerait qu'on est entré dans une période où le balancier repart dans la mauvaise direction. Hein. Pas dans le sens du progrès, mais dans le sens de la rétrogradation. Hein. Le retour en arrière. Hein. La réaction, quoi. La réaction. Les réactionnaires. 1871, France, à Paris, l'armée de la future commune s'organise. La première réunion de 2000 délégués de la garde nationale se tient à Vauxhall. 1898, Japon. Grève de 400 mécaniciens des chemins de fer. Ils veulent améliorer les conditions de travail et supprimer les licenciements. Le service ferroviaire entre la gare de Ueno, Tokyo Nord, et Aomori, l'extrémité nord de l'île principale, est interrompue. 1906, Japon. Fondation du Parti Socialiste Japonais. 1913, Grande-Bretagne. Emmeline Pankhurst, leader des suffragettes, est arrêtée. Elle a pris sur elle la responsabilité de l'explosion qui a détruit la villa du ministre des Finances. C'était quelqu'un de courageux, Emmeline Pankhurst. 1914, France. Une loi modifie la loi du 29-6-1894 sur la retraite des mineurs. Un énorme progrès, selon Jean Jaurès. 1919, Allemagne. Grève générale en Allemagne centrale pour l'élargissement des conseils ouvriers. Là, on aurait dû les aider. Parce que si on avait aidé le peuple allemand à mieux s'en sortir en 1919, ce nous aurait évité l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, et ça nous aurait évité la Deuxième Guerre mondiale qui a fait 70 millions de morts. Mais voilà, parfois les peuples sont mal informés, exprès bien sûr, et puis voilà. 1938, France, les métallurgistes parisiens commencent une grève pour la reconduction de leur convention collective. 1943, Grèce. Grève générale à Athènes contre l'institution du travail obligatoire en Allemagne. Vous voyez, quand l'Allemagne de 2018 ou 2019 fait des leçons à la Grèce qui ne sait pas bien gérer ses comptes, qui ne sait pas gérer son économie, etc., etc., bien, il faut se souvenir qu'il y a eu beaucoup de Grecs qui ont travaillé pour l'économie allemande entre 1940 et 1945. Et que ces gens-là, on ne les a pas payés au tarif normal, bien entendu, ni pendant, ni après la guerre. Cet argent-là, il dort dans des banques en Allemagne, ou aux Suisses, ou ailleurs, et il sert à tout, sauf au peuple grec, bien sûr. 1971, Algérie, nationalisation des compagnies pétrolières françaises qui produisent les deux tiers du pétrole algérien. Et le 25 février, que s'est-il passé le 25 février? Eh bien, le 25 février 1834, en France, le gouvernement dépose un projet de loi qui dissout et interdit pratiquement toute association à caractère politique ou professionnel. Elle sera combattue comme la loi infâme. C'est curieux comment le passé ressemble parfois au présent. Hein? Comment on a l'impression de faire des redites, de rejouer la même pièce, avec des acteurs un peu différents, avec des décors un peu différents, bien sûr. Mais les faits restent têtus. 1839, Grande-Bretagne. Un pauvre tisserand à main, que la misère a amené au chartisme, prend la parole devant la convention chartiste. Quand un tisserand prend sa pièce et la porte au magasin, tout ce qu'il reçoit pour une semaine de travail, c'est tout au plus 5 shillings, et encore doit-il débourser plus de la moitié de cette somme pour son feu, son loyer, sa lumière, etc. Ce qui ne lui laisse qu'une si misérable pitance que la nature, sans soutien, succombe sous le poids des souffrances accumulées. Sa lassitude est prise pour de la paresse. Ses voisins commencent à perdre confiance en lui, et alors son crédit ruiné, au milieu de la pauvreté qu'elle est son lot, sinon la misère. Et voyez, oui, voilà. Ça, toutes les époques se ressemblent finalement, hein. Pas au même moment, pas au même endroit, mais on nous rejoue toujours les mêmes comédies parfaitement tragiques. 1848, France. Les ouvriers arrivent à l'hôtel de ville de Paris. Ils exigent le droit au travail. Ils exigent le droit au travail. Lamartine commence un discours. Il est interrompu au cri de « Assez de phrases, le peuple attend. Assez de phrases, le peuple attend. » Une garde nationale mobile est créée avec des jeunes combattants des barricades. Le droit d'association et le droit au travail est proclamé. 1886, France, à Decazeville, la direction de la mine provoque les travailleurs. Elle réintègre l'ingénieur le plus impopulaire. Elle réduit les salaires. Elle ne fait pas bénéficier les mineurs de la diminution des tarifs de transport appliqués par la compagnie des chemins de fer d'Orléans aux minerais de Decazeville. Ah oui, on fait des prix pour le minerai, pas pour les gens, pas pour les humains. Les humains, ça vaut moins cher, ça vaut moins que le minerai, c'est moins important. 1941, Pays-Bas. Grève générale en solidarité avec les juifs arrêtés par les nazis à Amsterdam. Grève générale. 1948, Japon. Début des grèves tournantes dans les télécommunications. 1956, URSS. Lors du 20e congrès du Parti communiste, Khrouchtchev lance un violent réquisitoire contre Staline, notamment à propos de son rôle dans les épurations massives de 1936 à 1938. Le culte de la personnalité sera officiellement condamné. 1967, France. À Besançon, la grève éclate à l'usine Rodiaceta. Les ouvriers se battent contre la réduction des horaires et pour la défense des libertés syndicales. Peu à peu, 14 000 travailleurs vont débrayer à Vaise, Vénissieux, Saint-Fond et au péage de Roussillon. 1971, Bangladesh. Proclamation unilatérale de l'indépendance du Pakistan oriental, futur Bangladesh. 1984, Iran. Première annonce officielle d'exécution de communistes après l'arrestation de plusieurs milliers d'entre eux en mai 1983. Février 1525, Allemagne. Les habitants de Kempten, qui avaient été en conflit avec leur évêque pendant tout l'hiver, s'unissent à la bande paysanne du Haut-Allgäu, forte de 7000 hommes. Bravo les gars, courageux. 1871, France. Les Parisiens transportent leurs canons dans les quartiers populaires du nord et de l'est. Là encore, le peuple est courageux. Fort parce que courageux. 1921, Russie. La population de Kronstadt, ouvriers et marins réunis sur la place de la ville, adopte la résolution suivante. Organisation de la réélection des conseils, c'est-à-dire des soviets. Conseil ouvrier, donc. Liberté de parole pour tous. Paysans, ouvriers, anarchistes, socialistes. La libération des prisonniers politiques. Égalisation des rations alimentaires pour les travailleurs. L'insurrection de la ville qui était à la pointe de la révolution de 1917 commence. Elle révèle à quel point une dictature peut devenir intolérable. À quel point une dictature peut devenir intolérable. C'était en 1921 et nous sommes en 2019. 1936, Japon. La tentative d'un coup d'État des jeunes officiers de l'armée de terre marque le début d'un militarisme à outrance. La célébration de la fête du travail va être interdite pendant 10 ans. 1937, France. Les conventions collectives sont étendues aux ouvriers agricoles. 1946, USA. La Cour suprême déclare la ségrégation raciale dans les transports publics comme anticonstitutionnelle. 1978, Nicaragua. Expédition punitive contre la population civile de Monibo en représailles de l'inauguration de la place Pedro Joaquín Chamorro. 1982, Chili. Le syndicaliste Tucapé Jiménez, dirigeant de l'Union démocratique des travailleurs, est assassiné. En 1982, on a assassiné des syndicalistes au Chili, et pas qu'au Chili. 8 jours auparavant, il avait appelé à la constitution d'un front d'unité syndicale. 1984, Chili. Le gouvernement accuse l'Église catholique d'être impliquée dans les incidents survenus ce jour à la cathédrale de Punta Arenas. Lors d'une prise d'armes présidée par le général Pinochet, des manifestants hostiles à la dictature s'étaient réfugiés dans la cathédrale. 1984, Suisse. Par 63,8% de non contre 36,2% de oui, les électeurs rejettent l'institution d'un service civil et donc le statut d'objecteur de conscience. Il s'appelait Theodor Herzl. Il était né à Vienne en 1860. La solution du problème juif, c'est la création d'un État juif, écrivait-il pour la première fois en 1896 dans un opuscule intitulé L'État juif et traduit aussitôt en plusieurs langues. 18 mois plus tard, à Bâle, se réunissait le premier congrès sioniste mondial qui proclamait « Le sionisme a pour but de donner au peuple juif en Palestine un foyer national garanti par le droit public. » Herzl pouvait écrire dans son journal « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Dans 5 ans peut-être, dans 50 certainement, tout le monde le reconnaîtra. » La déclaration de Lord Balfour en 1917 laisse espérer la création prochaine d'un État national juif en Palestine, territoire sous mandat britannique depuis le début des années 20. 1947, la Grande-Bretagne annonce qu'elle mettra fin à son mandat en Palestine le 15 mai de l'année suivante. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote une déclaration mettant en place un partage de la Palestine entre juifs et arabes. Jérusalem reste en neutre. Le territoire juif est trouvé. Le problème israélo-palestinien est né. La situation particulièrement étonnante qui s'est produite là-bas, c'est que, et ça ne se voit nulle part ailleurs, les colons, c'est-à-dire ceux que, les sionistes qui sont arrivés en Palestine, se considéraient comme les véritables indigènes, ouais. Et ceux qui étaient là, les autochtones, étaient considérés comme des squatteurs, ouais. Qu'il fallait chasser. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Les juifs de Palestine n'étaient pas sionistes. Ceux qui étaient sionistes, c'était ceux qui venaient d'Europe centrale. C'était des gens comme ceux de ma famille, qui venaient d'Ukraine, de Pologne, d'Autriche. Le sionisme est né sur une terre qui n'est pas celle qu'ils voulaient libérer. Le sionisme est né en Europe pour libérer une terre qui n'était pas la terre européenne. Il y a là tout de même un paradoxe qu'il ne faut pas oublier. La Palestine était aussi une société urbanisée. Il y avait de grandes villes. C'était pas juste ouais. Quelques bédouins ou quelques fermiers qui promenaient leur âne. Il y avait de grandes villes. Il y avait une bourgeoisie. Il y avait, ouais. Il y avait une société. The mainstream Israeli Jewish society believed, because that's the way they had been educated, that Palestine was empty, had been empty when the Jewish settlers came there. Who paid the price when they settled there? Is it really true that Israel was a land without a people for a people without a land? Palestine was not empty. It was a land populated by Arabs who had a high level of culture, high level of education. With farms and markets and towns and villages and roads and commerce and lots of interaction with the rest of the world. From the 1930s, a group of Zionist leaders began to systematically plan the ethnic cleansing of the Palestinians. After the World War, first of all, Britain decided they had enough of Palestine. It was very clear that there's going to be a vacuum that could be utilized by the Zionist movement. And secondly, under the impression of the genocide of the Jews in Europe, it was easier to recruit money and weapons. In a matter of 3 years, they created, they being the Zionist leadership, created a very effective military organization. While, one should say, at the same time, the Palestinians were naively waiting for the British to hand them over Palestine as they handed over Iraq to the Iraqis and Egypt to the Egyptians. So in April, there was something which I call in my book the herbicide of Palestine, a destruction of the urban centers. In Haifa and Jaffa, in both cases, 10,000 of people in one day were pushed to the harbor, were shot in order to trigger their escape. And mountain boats which could hardly contain them. Second factor, which stands out in its cruelty and callousness, is towards the end of the ethnic cleansing operation in October 1948, where the Palestinians in the Upper Galilee already knew what awaits them and therefore put some fight, unlike the other villagers. And that triggered the worst kind of atrocities, raping of women, killing of babies, and a forceful and very barbaric ethnic cleansing took place. It's, I think, a kind of obedience to the Zionist ideology. What belongs to Arabs in Palestine should belong to Jews. And once the Jews put their hand on something, they should never give it back, no matter what the reasons are. And that's very close to racism. Yes. But nobody bothers for us. We're not Jews, and the international opinion does not take care for what Palestinians want. and we were born Palestinians. We're proud to be Palestinians, yes. But our voice is not easily heard by others in the West. And now I want the Western world to believe that we are not a nation of terrorists. We are a terrorized nation, the Palestinians. Mélenchon. Pour 10 minutes, Monsieur le Président Mélenchon, comme vous le savez. Merci, Monsieur le Président. Collègues, cette proposition de loi prolonge devant la représentation nationale la revendication d'un mouvement populaire dont, quel que soit l'avis qu'on en a, chacun sait qu'il marquera l'histoire de la patrie. Quelque chose de nouveau s'est exprimé, insaisissable, qu'on ne peut faire rentrer dans aucune des cases que ceux d'entre nous qui ont le plus d'expérience ont connues et maniées dans le passé si longtemps. Ni à une famille politique, ni à un espace social particulier, ni, bref. Soudain, il s'est avancé devant nous. Et parfois, nombre d'entre vous qui en sont des passionnés, j'en suis certain, ne l'ont pas reconnu. C'est le peuple. C'est une vieille histoire que celle-là. Et ce moment de la vie de l'Assemblée nationale comptera dans cette histoire. Notre tour viendra. Le tour de ce qu'on appelle aujourd'hui les Gilets jaunes viendra. Et les référendums d'initiative citoyenne viendront. Ils sont inéluctables. Inéluctables. C'est un franchissement démocratique comme l'a été auparavant, tout simplement, le droit du peuple de voter, puis le droit des femmes de voter, le droit des juifs d'être citoyens, le droit des comédiens d'être citoyens et les autres grandes œuvres de la Grande Révolution de 1789. C'est une vieille histoire. Elle a commencé en 492 avant notre ère, lorsque, se retirant sur l'Aventin, le petit peuple de Rome, écrasé d'impôts, refusa de continuer à travailler, tant et si bien que, d'une revendication sociale, on passa à une revendication politique. Ils eurent le droit d'élire des tribuns du peuple dont la personne était sacrée. Nul n'avait le droit de les interpeller, nul n'avait le droit de les perquisitionner, nul n'avait le droit de les embastiller pour que leurs paroles restent définitivement libres. Elle se prolonge ensuite dans la révolution de 89, lorsqu'on pose la question du veto. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la volonté du peuple? La réponse à cette question sempiternelle, qui fait que tant d'entre vous a intervalles réguliers se sentent obligés de montrer du doigt, de suspecter la folie, la brutalité qui serait consubstantielle au peuple. Cette question a déjà été posée une fois. Le roi a-t-il un droit de veto par rapport à une loi décidée par le peuple? Le roi se lève. Il demande que ceux qui sont pour le veto se mettent à sa droite, car ce sont les élus de Dieu et son pouvoir vient de Dieu, et que les autres, les mécréants, les damnés, les mauvais, se mettent à gauche, puisque leur direction préférée est l'enfer. Et à ce moment-là, les nôtres ont été majoritaires. Et depuis ce jour-là, nous affirmons conformément à la leçon de nos anciens, il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du peuple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais à nos yeux. Alors, bien sûr, d'où tirerait-il un fil conducteur dans l'histoire qui vaudrait raison à lui tout seul? Eh bien, des droits de l'homme. Il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du peuple, mais il n'y a pas de principe supérieur à ceux des droits de l'homme. Assemblez les deux et vous avez l'idée française. Vous avez l'idée d'une république qui n'est pas la définition donnée de la nation par d'autres peuples qui nous environnent. Chez nous, la république fonde la nation, je vais expliquer pourquoi en quelques instants. Nos voisins allemands écrivent sur leur assemblée nationale « dem deutschen Volk », ce qui signifie le peuple allemand, le peuple au sens de « Volk », c'est-à-dire de l'ethnie, de la coutume, de la langue. Rien de tout ça ne fonctionne en France. La France n'est pas définie par une religion, il y en a cinq. Elle n'est pas définie par une couleur de peau, elles y sont toutes représentées. Elle n'est pas définie non plus par une langue, il s'en parle plusieurs, au point que la Constitution est nécessité de rappeler que la langue commune, et j'en suis heureux, est la langue française. La France est définie par autre chose, le contrat politique qui constitue son peuple. la nature du lien qu'il y a entre chacun d'entre nous, liberté, égalité, fraternité. C'est le contrat politique qui fonde la patrie. Et c'est parce que c'est un contrat entièrement politique qu'il nous faut réfléchir à chaque génération à la manière de garantir la souveraineté du peuple, sachant, comme l'a dit de manière immortelle Saint-Just, que le peuple parle en maître jusqu'à ses gouvernements s'il le néglige. La France est et ne peut être autre chose qu'une république. La république fonde la nation. La république, c'est un mot qui dit « res publica », la chose commune. La chose n'est commune que si chacun s'y met. Nous sommes malades à mort, mes chers collègues. Quand on aperçoit une élection législative avec 50% d'abstention, cela signifie qu'une nouvelle fois, comme en 492 avant notre ère, le peuple s'est retiré sur l'Aventin. Il ne participe pas à la décision parce qu'il lui paraît qu'en toutes circonstances, elle sera injuste. Nous sommes minés par l'abstention. C'est le moment de répondre à cette crise, crise majeure. Et une nouvelle fois, c'est le peuple qui a donné la réponse, partant d'une protestation sociale aussi vieille que la France, protestation contre l'impôt. L'impôt, bien sûr, quand il est injuste, et qui va dire ici qu'il est juste, tel qu'il est aujourd'hui? Eh bien, alors, puisqu'il s'agit de répartir l'effort entre tous, ceux qui donnent le plus protestent et disent « ce n'est pas juste, il y en a qui ne donnent rien ou qui ne donnent pas assez, tandis que d'autres sont conduits à donner tout ». Et partant de là, surgit la revendication politique. C'est de cette manière qu'est née la République. C'est de cette manière que naît le référendum d'initiative citoyenne. Nous essayons de répondre à une crise par un moyen institutionnel. La Ve République est née en tant que nouvelle constitution pour répondre à une crise majeure, celle de la nécessité de se séparer de 13 départements français. Il fallait alors qu'il y ait une autorité telle, il fallait que se combinent la légitimité historique et les moyens institutionnels pour prendre une décision de cette nature. Mais aujourd'hui, cette institution qui a été la manière de régler une crise devient le sujet de la crise, ainsi qu'en atteste l'abstention croissante. La France n'est plus la même aujourd'hui que celle qu'elle était en 1958. En 1958, 40% du peuple français vivait à la terre et de la terre. C'est à peine 20% aujourd'hui. Le peuple a changé par sa manière de vivre. Le peuple, à l'époque, était tel que 10% seulement de ses membres étaient gradués de l'enseignement supérieur, puisque le premier grade est le baccalauréat. Et aujourd'hui, nous en sommes bien plus loin, 70%. 78% pour être précis. Et ainsi de suite. Il n'y avait à l'époque qu'un Français sur 5 qui est un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 5. Le peuple a été profondément, intensément modifié par son mode de vie, par l'ouverture sur le monde. C'est le moment qu'il se ressaisisse de lui-même. C'est cela que signifie un référendum d'initiative citoyenne. En France, plus qu'ailleurs, plus que n'importe où, parce que c'est la nation politique de l'Europe. Le peuple se constitue en devenant constituant. En se reconnaissant à lui-même des droits, il se définit. Voilà le sens des référendums que nous vous proposons. Nous essayons de marier la stabilité institutionnelle, sans laquelle on ne peut gouverner personne, et certainement pas ces 65 millions de têtes dures, et le droit permanent du peuple d'intervenir dans les affaires publiques. Tel est le sens du référendum d'initiative citoyenne. Stabilité des institutions, capacité permanente du peuple d'intervenir. Alors après, bien sûr, on y met des quotas, un nombre de signataires, des moyens, toutes sortes de choses qui organisent cette nouvelle liberté. Ce ne peut être l'Assemblée générale permanente, ni la manifestation quotidienne. Mais c'est tout cela que contient notre initiative. Entendez-la pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, non pas une autoproclamation de notre part, comme l'a dit si sottement la ministre, du fait que nous serions le peuple, quelle idée, nous ne sommes pas une avant-garde, nous n'avons jamais été avant-gardistes, ni non plus je ne sais quelle peur que nous agiterions de voir surgir des hordes de gens qui prennent des décisions, parce que telle est la manière dont certains se représentent le peuple. Le peuple est sage. Vous n'avez pas d'exemple qu'il ait voté des sottises. Vous n'avez pas d'exemple qu'il ait voté des crimes. Pourquoi voudriez-vous qu'il le fasse à l'avenir, plus instruit qu'il est maintenant que jamais? Le peuple est bon, parce qu'il a en lui une sagesse qui parfois peut exaspérer par sa lenteur. Mais il a en lui une sagesse, telle que le grand Jaurès disait « Il n'y a pas de question plus importante ni plus centrale pour un Français, un républicain et un socialiste que la question de la souveraineté politique du peuple. Toute la vie politique est rassemblée et ramenée à cette idée que le peuple et lui seul est souverain. J'espère que mon plaidoyer aura au moins ébranlé quelques certitudes d'après lesquelles il faudrait avoir à l'égard du peuple une méfiance que décidément nous n'entendons pas. Nous lui proposons de retrouver ses droits en certaines circonstances, de proposer pouvoir législatif, d'abroger pouvoir de suppression, de révoquer, fussent les élus, quels qu'ils soient, du conseiller municipal au président de la République, et enfin d'être constituant. Alors, oui, c'est vrai, madame, nous conspirons, si c'est comme ça que vous voulez appeler la chose. Nous sommes opposés aux institutions de la Ve République en faisant remarquer à nos amis qui en ont été les défenseurs, nos collègues, que cette Ve République que vous avez aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui fut fondée en 1958, ni par le peuple, ni par son contenu. C'est le moment et c'est l'heure de la VIe République. Le peuple français ne se sortira pas de l'ornière dans laquelle il est sans avoir auparavant tout refondé, tout redessiné, tout redécidé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mélenchon, la parole.

Vous privatisez aussi le patrimoine ferroviaire. La gare du Nord à Paris et une partie de ses bénéfices sont confiés au groupe Auchan. Faut-il être une famille de fraudeurs fiscaux patentés dans ce pays pour recevoir quoi que ce soit de l'État ? Faites payer ceux qui doivent payer plutôt que d'aller faire les poches à nos concitoyens. Je vous remercie. Du Japon. Le gouvernement tente de désamorcer un début de polémique autour de la visite en France dimanche prochain du président algérien. Cette visite, à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement en Provence, fait ressurgir les cicatrices de la guerre d'Algérie. Pauline Revenat, Christophe Widmann. C'était en juin 2000. Le président Bouteflika a été reçu pour la première fois à l'Assemblée nationale. Et déjà, certains députés à droite avaient boudé l'hémicycle. En quête de légitimité, le président algérien avait plaidé pour une réconciliation entre les deux pays. Seuls les harkis des Algériens qui ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie sont exclus de ce rapprochement. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. Quatre ans plus tard, le même président algérien est attendu en France pour les cérémonies du débarquement de Provence. La querelle n'est toujours pas éteinte. 40 parlementaires de l'UMP ont écrit au Quai d'Orsay pour protester contre cette invitation. En Algérie, on ne se sent pas concerné. C'est un amalgame voulu par certains pour organiser une polémique qui restera de toutes les manières franco-française, car elle ne concerne en rien les Algériens. Aujourd'hui, il revient à l'ancien officier français pendant la guerre d'Algérie, Amlaoui Mekachera, chargé au gouvernement des anciens combattants de calmer le jeu. Je ne veux pas dire que la guerre d'Algérie n'a pas été importante, mais chaque chose à sa place. Nous avons à commémorer une grande page de notre histoire. Le débarquement, c'est pas rien. Dimanche, Jacques Chirac recevra une fois de plus le président Bouteflika, mais cette fois-ci sur le Charles de Gaulle, un lieu symbolique pour tenter d'apaiser les esprits. Charline Vanhoenacker, depuis le décès de Karl Lagerfeld, mardi, les hommages pleuvent, mais sa disparition a éclipsé celle d'un autre grand artisan auquel vous rendez hommage. Oui, le créateur de la maison Manfroy. C'était le plus grand chauffagiste de sa génération, Gérard Manfroy, qui a donné ses lettres de noblesse à la chauffagerie de luxe, avec notamment sa fameuse tuyauterie en laiton. Il a chauffé les plus grands, hein, l'appartement de Catherine Deneuve, la villa de Jean Dujardin, la piscine de Taquiedine, on l'appelait le Kaiser du radiateur. Gérard a su prendre la température de son époque. Il avait d'ailleurs inventé la température idéale, le 21.1. C'était son bleu clin, lui. Et comme il est mort sans héritier, il lègue toute sa fortune à Kiki, son hamster jovial. Alors on est en ligne avec Inès de la Prestance depuis Marrakech. Inès, vous étiez là à ses débuts quand il a lancé la clim. Oui, et ce que j'appréciais chez lui, c'était sa fraîcheur. Il savait mettre sa touche dans l'air ambiant de façon discrète, mais totalement assumée. Aujourd'hui, c'est tout le monde de la climatisation qui est en deuil. Ils sont peu nombreux ceux qui savent brasser l'air comme Gérard. Ouais. C'était un homme très entouré. Oui, mais en même temps, très seul aussi. Il aimait bien être isolé. C'était aussi ça, Gérard. Merci Inès de la Prestance, et je rappelle qu'en hommage à Gérard Manfroy, France Inter rediffuse son entretien avec Augustin Trapenard qu'il avait reçu dans Boomerang. Alors nous sommes à présent en ligne avec Anna Mouglalouz. Anna, vous étiez égérie de la maison Manfroy, l'égérie pompe à chaleur. Alors Gérard n'a pas toujours été le génie du chauffage que l'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, la vie n'a pas été simple pour lui. Il est parti de rien et 20 ans plus tard, il soufflait le chaud et le froid. Mais il a toujours été là pour moi, automne-hiver, printemps-été. Quand ma chaudière m'a lâché en 2010, je me souviens, il a débarqué en 2 heures dans sa Kangoo diesel. Le monde de la chaudière à condensation perd un de ses plus grands représentants. Ouais, merci Anna. C'est vrai qu'il était capable de démonter une chaudière pour un simple souci de condensateur. Et on mesure sa popularité sur Instagram. À qui posera avec son selfie avec Gérard, hein, même ses anciens ennemis. Je pense au PDG de Climomax qui posait avec lui pour la couve de Thermostat Magazine. Alors c'est vrai, il pouvait avoir des prises de position clivantes, un franc-parler qui pouvait parfois être glaçant, mais bon, il avait tellement de talent. Merci Charline Vanhoenacker. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Chers collègues marcheurs, je vous le demande avec solennité. Vous n'avez pas honte ? Honte de votre paresse, honte de votre sectarisme. Je vais résumer, pas seulement pour les citoyens dehors, mais pour vous ici, pour que vous mesuriez votre déshonneur. Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes, qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Pour ce métier, elles sont sous-payées, 600 euros, 700 euros, sous le seuil de pauvreté, avec des contrats ultra précaires. pour changer ça depuis le début de votre mandat? Quelle proposition de loi avez-vous portée? Rien, aucune. Et le ministère, quel projet de loi? Rien, aucun. Ça pour supprimer les impôts aux actionnaires, pour offrir aux firmes le secret des affaires, là c'est urgent. Là, sur ces bancs, vous répondez tous présents. Mais pour ces travailleuses pauvres, rien, rien de rien, personne. Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qu'il soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe, notre collègue Aurélien Pradier propose d'élever un peu leur statut. Son texte n'est pas parfait, loin de là. Il est nettement améliorable. Et nous avons, nous, les insoumis, mais également les communistes, les socialistes, les UDI, les républicains, nous avons déposé des tas d'amendements en commission. Vous, les marcheurs, aucun, aucun amendement. Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, contre, contre, contre, de lever la main en cadence comme des Playmobiles. Mais aujourd'hui, dans cet hémicycle, c'est pire encore. Vous allez voter une motion de rejet préalable. Ça porte bien son nom, rejet préalable. C'est-à-dire que la discussion n'aurait même pas lieu sur un point aussi important, que le texte ne sera même pas examiné. Vous empêchez carrément le débat, vous l'interdisez. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Merci, Monsieur Ruffin. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Nous, on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Même quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Paris, 16 juillet 1942. Des images presque oubliées de l'histoire. 16 juillet 1972. 30 ans après, il ne reste que cette plaque de la grande rafle du Veldiv. Le célèbre vélodrome d'hiver où se retrouvait le Paris sportif a été détruit en 1959. Comme pour effacer un cauchemar. Le cauchemar de 30 000 juifs parqués dans le Veldiv, devenu en juillet 42 l'antichambre de la mort. Mais il reste les survivants, à peine une cinquantaine perdus ici dans la foule, les survivants de la plus grande opération de police que Paris ait connue depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy. Opération confiée par Eichmann au Hauptsturmführer Dönecker. C'est la première étape de la solution finale, celle de l'anéantissement des juifs européens. Le Rasch, 4 heures du matin. L'opération a été baptisée cyniquement « Vent printanier ». Au petit jour, Paris est investi par la police parisienne, la police de Vichy, qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution. 9000 hommes. Le gros des forces est concentré dans ces trois arrondissements. C'est là que réside la majorité de la population juive de Paris. Je suis en effet parti le matin de bonne heure pour aller au centre Amelot, où je travaillais, dans un dispensaire juif qui servait d'ailleurs de couverture à une action de résistance dont beaucoup se souviennent encore. Et ce qui m'a surpris et pas tout à fait surpris en vérité, c'était le spectacle de ces pauvres gens que l'on voyait sortir des différentes maisons avec des valises, des ballots à la main et qu'on dirigeait vers des autobus qui les emmenaient, nous ne savions pas encore où, mais nous avons appris par la suite que c'était notamment au Vélodrome d'hiver où 7000 d'entre eux ont été rassemblés. Si je dis que je n'ai pas été entièrement surpris, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivions alors une période où les rafles étaient quotidiennes. Mais le 16 juillet, c'était différent. Alors, le 16 juillet a été différent. Jusque-là, nous savions que des rafles avaient lieu. Il y en avait eu d'importantes, avec des milliers d'arrestations, mais ça concernait surtout des hommes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené, nous l'avons su par la suite, au Vélodrome d'hiver, où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4000 enfants parmi eux. Sur les 4000 enfants parqués au Veldiv, quelques survivants. Lazar Pitkovits avait 14 ans en 1942. Arrêté avec ses parents, il s'évade quelques heures plus tard. Voilà comment cela s'est passé. Les mères de famille qui n'avaient plus rien à donner à boire à leurs enfants se sont rassemblées devant cette porte qui était là, dans le Veldiv, avec leurs enfants, donc les poupons sur le bras. Les enfants en général pleuraient parce qu'il faisait une chaleur torride et ils avaient soif, il n'y avait plus d'eau dans le vélodrome d'hiver. Et comme vous le voyez, elle existe encore, cette épicerie était juste en face, vous voyez que la rue n'est pas grande. Elles se sont rassemblées à un certain moment par la force, disons, qu'elles représentaient. Elles ont forcé le petit cordon de police qui était là et elles ont simplement été dans cette épicerie. J'ai donc profité de ce moment où la police s'occupait essentiellement de ramener ces femmes. Il n'y avait pas de policiers allemands ? Non, pas de policiers allemands. Uniquement que des policiers français. Alors comment avez-vous fait ? Et donc, à ce moment-là, du fait que tous, disons, les policiers qui étaient dans ce rôle à ce moment-là, se sont portés de l'autre côté de la rue. Donc il n'y avait plus personne de cette porte, et j'en ai donc profité. Je suis sorti normalement, et j'ai vu que personne ne me voyait, parce qu'ils étaient occupés à ramener ces femmes. Mais ces femmes, eh bien, quand il s'agit de défendre son enfant, le policier ne comptait pas beaucoup. Et effectivement, elles sont restées dans la boutique, et elles ont pu acheter l'eau minérale qu'avait besoin leur bébé. Et elles sont retournées dans le Belgique. Et ensuite, elles sont retournées. Mais moi, quand même, à ce moment-là, j'avais déjà quitté la porte. Vous voyez cette petite rue qui est là, dont je ne connais même pas le nom exact. Donc la première petite rue à gauche, je l'ai prise. Quatre enfants s'évadent ainsi. Dans le même temps, 57 bus déposent leur cargaison. Des centaines de familles, des pleurs, des cris. L'image du Veldiv dira à un survivant et celle d'un bateau en détresse. Deux médecins juifs se souviennent. Je me rappelle un cas de scarlatine. Je me rappelle un cas de femme enceinte sur le point d'accoucher. Je me rappelle les cris et les pleurs des enfants. Je vois arriver des gens, de grands malades, des contagieux, des gens qui avaient les stigmates de la scarlatine, par exemple, des gens, des grands rhumatisants qu'on amenait sur des brancards, de véritables grands malades, et pour essayer de les faire sortir, je me dirige vers le service médical de la préfecture, qui était composé d'un médecin et de quelques infirmières de la Croix-Rouge. J'expose la situation, mais à chaque fois, c'est un refus absolu, un refus de traiter ces malades et un refus de les évacuer. L'évacuation se fera 6 jours plus tard, pour Drancy et Auschwitz. Entre-temps, il y a eu 107 suicides. 30 ans après, quelles leçons peut-on tirer de ces événements ? Alors d'abord, on n'a pas le droit d'oublier. Il y a deux choses. Oublier, pardonner. L'oubli, nous n'en avons pas le droit. Alors quant au pardon, il faut distinguer, n'est-ce pas ? Je ne pardonne qu'à ceux qui me demandent pardon. D'abord, n'est-ce pas ? Indépendamment de cela, le pardon est une bouffonnerie, absolument. Or, ce n'est pas maintenant qu'on ait envie de pardonner, quand on voit des hommes comme Touvier, Gracier, rentrer en possession de leurs biens, se promener librement et bénéficier d'une grâce vraiment inexplicable. La première condition, c'est d'abord que les criminels expient et qu'on nous demande pardon. Et la deuxième est la suivante. Le pardon ne peut venir que de ceux qui ont souffert. Donc la plaie est toujours ouverte. 30 ans après, la plaie est toujours ouverte, évidemment. Les 30 ans ne font rien à l'affaire. Pensez aux 6 millions de juifs assassinés, pensez aux fours crématoires. Donc je pense que le problème est toujours pendant et la blessure fait toujours aussi mal. Voici le fameux fichier des collabos. On y trouve 100 000 noms. Cette liste secrète, dressée à la Libération, dormait dans le silence des archives depuis 70 ans. Donc là, nous avons la France honteuse, celle de la collaboration, et nous avons autour de nous la France glorieuse, celle qui était dans la résistance. Aujourd'hui, ce fichier déclassifié nous est présenté au Centre National Jean Moulin. Il révèle l'ampleur de la collaboration pendant la guerre. Il y a toutes les classes sociales qui sont représentées. Il y a aussi bien des bourgeois que des ouvriers, des aristocrates que des prolétaires. Donc je dirais, dresser un collaborateur type, c'est tout à fait impossible, puisqu'il y a eu des collaborations et différentes formes de collaboration. Tout commence par cette poignée de main entre Hitler et Pétain, et surtout, ce discours. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Dans le fichier, on trouve le nom de ces miliciens qui ont soutenu le Reich. Si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Il y a aussi beaucoup d'industriels dont la production partait en Allemagne. Le monde du cinéma y est aussi présent, comme ici, quand une délégation d'acteurs embarque pour participer à un festival dans l'Allemagne nazie. À la gare de l'Est, on reconnaît Albert Bréjean, Daniel Darieux, Suzy Delaire. Parmi ses collabos, beaucoup d'anonymes et quelques noms bien connus. Maurice. Et nous avons René Bousquet également. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir Monsieur Bousquet. Le père du magistrat, Philippe Bilger, figure aussi dans ce fichier. Il était préfet. L'ouverture de cette boîte de Pandore le met mal à l'aise. Je suis choqué par le fait que, de manière de plus en plus fréquente, on aille chercher dans les poubelles de l'histoire des événements datant de 50, 60 ans. Je me demande assez consciencieusement, douloureusement, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans les mêmes circonstances. Ces collabos, considérés comme des traîtres, ont connu l'épuration à la Libération. Et contrairement à une idée reçue, plus de 95 000 d'entre eux, soit l'immense majorité, ont été jugés et condamnés à des peines de prison plus ou moins lourdes. Parmi eux, 791 ont été exécutés. C'est le fichier des collabos. Par ordre alphabétique, près de 100 000 noms, collectés par le service de contre-espionnage de l'armée française en 1945. L'historien Dominique Lormier a obtenu une copie de l'unique exemplaire longtemps conservé à Bordeaux. Il a été saisi au moment du procès Papon en 1997 et il n'a pas été utilisé au moment du procès du fait de son contenu trop explosif et du fait que parmi les personnes qui accusaient Papon de collaboration, il y avait un certain nombre de personnes qui figuraient également dans le fichier. Aujourd'hui encore, ce fichier n'est toujours pas versé aux archives alors qu'il est, comme tous ceux de cette période, déclassifié depuis 2015. Secret, caché, oublié, sa réalité a longtemps été niée par les autorités. Il y a eu tout un tollé au sein du gouvernement de l'époque qui avait dit que ce fichier n'existait pas. Donc il y avait une volonté, je dirais, de le mettre sous boisseau. Et justement, le but du livre, c'est de le faire découvrir. Mais il ne s'agit pas également de tomber dans les travers de ce qui a été cette période et les pratiques des gens figurant dans le fichier, c'est-à-dire de pratiquer une délation qui mettrait, je dirais, en péril les descendants, etc., au niveau de leur notoriété et de leur activité professionnelle. Pas de reproduction intégrale du fichier dans ce livre, mais une analyse historique détaillée, ponctuée des noms des membres les plus actifs des différents mouvements de collaboration. Ces collabos, c'est toutes les classes sociales de la France de l'époque. On voit des nobles, des aristocrates, on voit des ouvriers, on voit d'ailleurs toutes les tendances politiques aussi de l'époque, et pas uniquement des gens d'extrême droite, contrairement à ce qu'on croit, mais il y a beaucoup de gens de gauche également. Même des parcours, des vies et des noms longtemps tus qui montrent que 70 ans plus tard, cette période reste l'une des plus sensibles de notre histoire. Attention, sujet sensible, pour ne pas dire tabou. Au même titre que la guerre d'Algérie, la période de l'occupation reste l'équivalent à l'échelle du pays d'un secret de famille. Combien de collabos? Combien de lettres anonymes de dénonciation? Qui s'est affiché avec l'occupant? Les chiffres sont contradictoires et controversé. Les recherches nombreuses. Avec la guerre d'Algérie, l'occupation est la période sur laquelle les Français entreprennent le plus de demandes documentaires, notamment au niveau des archives départementales. Et pourtant, la part d'ombre ne passe pas, à tel point que les spécialistes sont autrement plus précis sur des époques bien plus reculées que ces années crépusculaires. Alors la faute à qui? Aux ancêtres? Franchement, on peut en douter. Le métissage d'une part et trois ou quatre générations après les faits d'autre part, devrait permettre enfin aux historiens de travailler bien plus sereinement. Alors, ces collabos, qui, quand, pourquoi? Première certitude, l'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler est un geste fondateur. Cette poignée de main restera un tournant. 6 jours plus tard, le 30 octobre 1940, le maréchal parle pour la première fois dans son discours radiophonique au pays de collaboration. À ce moment-là, le héros de Verdun ne mesure sûrement pas la voie qu'il vient d'ouvrir. Les hommes politiques de Vichy ont alors souvent se livré à une surenchère vis-à-vis du vainqueur. De l'amiral Darlan à Pierre Laval, c'est à celui qui rentrera au mieux dans les petits papiers des nazis. Ou du moins supposait-elle, tant le zèle mis à servir va trop souvent de pair avec les excès de zèle. Et puisque l'État français donne, si l'on peut dire l'exemple, les fonctionnaires vont suivre, à commencer par la police qui va se livrer à de bien basses besognes. Le personnel politique n'est pas en reste. Les partis applaudissent à tout rompre à la victoire du Reich qu'ils souhaitent le plus vite possible étendue à toute l'Europe. Pour en finir, disent-ils, avec les bolcheviks. Venant d'anciens communistes comme Jacques Doriot, on avouera que ça ne manque pas d'air. La fureur du converti, sans doute. Pas plus d'ailleurs que les intellectuels comme Brasillach, réclamant que l'on oublie surtout pas les enfants juifs dans les rafles. Un grand moment de l'histoire de l'humanisme français. On n'oubliera pas non plus acteurs, actrices du cinéma partis à Berlin faire la promotion de leurs films devant des parterres entiers d'officiers allemands. Moins spectaculaire, plus feutrée, la collaboration économique de certains patrons français est pourtant elle aussi une réalité. Oh, on joue avec les mots, mais les carnets de commandes, eux, sont là pour satisfaire les exigences allemandes de sous-traitance et de main-d'œuvre. Qu'on se rassure, pendant la guerre, les affaires continuent. Par conviction, par obéissance, par lucre, ils se sont mis au service du vainqueur. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Il n'est sans doute pas mauvais d'entrer dans le drame algérien par l'Algérie elle-même. Un coup d'œil sur Alger, qui n'était voici 130 ans qu'une bourgade moyenâgeuse, donne tout de suite le ton des transformations accomplies. Alger est devenue aujourd'hui une de ces grandes cités modernes où s'alignent des bâtiments dignes de n'importe quelle capitale. Ces constructions majestueuses voisinent avec les créations des temps passés qu'une sagesse prévoyante a tenu à conserver intact. Près de 400 000 habitants y vivent, et Alger, aussi bien par sa situation que par son activité, se classe au premier plan de l'avenir méditerranéen. Cet Alger s'ouvre sur une Algérie transformée par 130 ans d'aménagement. Un outillage moderne, où les grands barrages et les travaux d'irrigation tiennent la première place, ont fertilisé d'immenses espaces où naguère s'étendait le désert. La vigne et le blé conjuguent leur production à de hauts quotients de rendement, pendant que le cheptel s'est décuplé. On parle aujourd'hui de pétrole en certains endroits où les forages se sont révélés prometteurs d'un nouvel avenir, et l'animation de ces ports manifeste que l'Algérie n'occupe pas une mauvaise place dans le système économique méditerranéen. Tout cela est l'œuvre d'un siècle français. Depuis 2 ans, certains essaient de compromettre les fruits de cet effort et son avenir même. La fièvre s'est emparée de l'Algérie. Depuis 2 ans, les attentats ne cessent à un endroit que pour reprendre à un autre, alimentés par les propagandes mensongères et les méthodes de terreur. Les ruptures de communication ne se comptent pas plus que les poteaux arrachés et les sabotages de voies ferrées. Chaque mois qui passe apporte la nouvelle d'un déraillement, souvent meurtrier. Dégâts et victimes, victimes et dégâts, trafic interrompu, difficultés de transport, insécurité des liaisons. Sur les grandes routes aussi, l'insécurité règne. Il n'est pas rare de trouver les arbres abattus en travers du chemin. Mais la terreur a des formes plus sombres. La nuit, des bandes armées attaquent les fermes isolées. Au matin, on découvre des murs noircis, des toitures effondrées. Sur l'air de la cour, les animaux de l'étable gisent égorgés. Les terroristes n'ont pas voulu qu'une seule vie, même animale, subsista de ce qui avait été un foyer heureux et une entreprise prospère. On se souvient encore de cette nuit tragique où plusieurs fermes des environs de Palestro furent assaillies, leurs habitants martyrisés. Les survivants ne purent que mimer les gestes de l'attaque. L'incendie avait complété le crime. Ce jour-là, on avait dénombré plusieurs cadavres pour chaque attentat. Parmi eux, il y avait des femmes et il y avait des enfants. Les bandits avaient tout tué sans distinction et parfois avec des raffinements qui pouvaient s'appeler sauvagerie ou sadisme. Chaque jour, depuis 2 ans, les drames de ce genre se succèdent. C'est, sur la route, un autocar attaqué, ses passagers abattus. C'est l'attentat dans un village. C'est l'attaque d'une maison isolée. C'est toujours des morts et des blessés. L'hélicoptère emporte vers l'hôpital ceux qui respirent encore et l'on retrouve à quelques distances les cadavres de ceux qu'emmenèrent les Fellaghas. Il faut plonger jusqu'au fond de l'horreur. Jeter un regard sur ces restes effroyables qu'on n'ose pas découvrir tout à fait. Sur ces chairs arrachées à coups de serpe ou à coups de rasoir. Sur ces cadavres dépecés comme de la viande de boucherie. L'horreur, ici, arrête les mots dans la gorge. Mieux vaut refermer les cercueils sur leur contenu qui n'a plus de nom. Accompagner ces convois qui, tout le long de 2 années, n'ont pas cessé de suivre la route des cimetières. En 1956 seulement, on n'a pas compté moins de 1700 victimes, musulmans ou européens, hommes et femmes et enfants. Regardons passer ces convois, celui du Caïd El Assar Laïd, du douar Azaïl, en Oranie, tué dans une embuscade. Peut-on dire que son douar faisait cause commune avec ses assassins? Et cet autre convoi, celui d'un Français. Il était maire de sa ville. Une vie de travail et de dévouement consacrée aux 2 communautés européennes et musulmanes. Il paie de sa vie son attachement à la chose publique. Regardons surtout les 54 cercueils de Philippeville. La tuerie du 20 août 1955 a endeuillé toute la ville. 54 corps côte à côte, une population en deuil. Comment fermer les yeux sur ces visages usés par les larmes? Ces silhouettes brisées de sanglots. Et cependant, en dépit de ces drames, la vie algérienne ne s'est pas arrêtée comme elle l'aurait pu, comme certains l'auraient voulu. Les marchés de l'intérieur ont gardé leur animation pittoresque, les villes et les bourgs ont conservé leurs allées et venues habituelles. Ce qu'une armée est venue faire ici, ce n'est pas la reconquête, comme une habile propagande veut le faire croire. Elle est venue pour assurer la continuation de la vie algérienne et la sauvegarde de groupes humains qui vivent ensemble sur cette terre depuis 5 générations. En dépit de toutes les menaces et de tous les attentats, les terres ont été cultivées, et la récolte de l'année avec ses 25 millions de quintaux dépasse même en importance celle des années précédentes. L'armée, cette fameuse armée qu'on dit occupée à des représailles sans scrupules, a continué les travaux entrepris. On la voit jouant le rôle d'ingénieur et d'architecte, diriger ou accomplir les travaux qui ouvrent une route, crée un barrage de retenue, un déversoir. On la voit quitter ses armes pour bâtir, à la place d'un assemblage de cahutes, un îlot d'habitations saines et commodes. Cette armée, dite de répression, partout où elle est, a ouvert ses ambulances et ses pharmacies à tout venant. Combien de villages et de douars épars dans les campagnes ont pu être soignés et secourus grâce au dévouement des médecins et des infirmiers militaires? l'armée a continué le programme de santé suivi depuis un siècle et qui a fait, en jugulant la maladie et la mortalité, tripler la population de l'Algérie. En un siècle, le trachome, la tuberculose, le paludisme ont perdu leur virulence. La mortalité infantile a baissé de 70%. Et l'armée continue de maintenir ce qui a été dans ce pays un bulletin de santé tel que n'en connaissent aucun des peuples orientaux qui s'arrogent le droit de juger la France à travers le drame algérien. Comme il s'est fait architecte, ingénieur, infirmier, le soldat s'est fait instituteur. Dans les écoles désertées, il a pris la place du maître victime de la persécution. Il a rouvert aux enfants les portes de l'école. On les a vus, ces garçons, reprendre sous l'uniforme la classe abandonnée. Et dans ces pays où la première forme de la civilisation, l'école, était menacée de disparaître, l'école a pu se maintenir grâce à ses farouches guerriers. Puisque la présence de cette armée supprimait toute possibilité d'une révolte ouverte, le terrorisme prit une forme méthodique. Il fallait continuer à assurer le désordre en Algérie. De nouveaux cadavres marquent ce changement d'orientation où, cette fois, le Parti communiste algérien inféodé à l'étranger a pris la place d'organisateur. La bombe de l'usine à gaz d'Alger devait en être la preuve directe. Le 16 novembre 1956, la police découvrait une bombe à retardement dans un local de l'usine à gaz du Hama. Son explosion aurait dû causer de gros dégâts. On arrêta un militant communiste, Fernand Yveton, qui avait été chargé de la placer. Il apparaissait que le Parti communiste algérien semblait prendre maintenant une part majeure dans l'organisation du terrorisme. Un contrôle sévère de la navigation aérienne au-dessus du territoire avait permis de se saisir de 5 chefs rebelles, dont Ben Bella. Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref avaient été pris alors qu'ils partaient pour Tunis avec la suite d'une haute personnalité. Il est inutile d'épiloguer. Ainsi s'affirme l'immixtion étrangère. Elle s'affirme surtout par l'aide apportée par les pays voisins. À la frontière tunisienne, on a fait prisonnier dans un commando un ouvrier musulman de Lyon, cueilli à son arrivée à Tunis par la police et remis par elle à une organisation de hors-la-loi. On a saisi à plusieurs reprises des convois d'armes de toutes sortes. Dans le sud, au lisière du désert, les patrouilles méharistes sont chargées d'exercer une surveillance de tous les instants sur cette frontière éminemment perméable où tous les trafics peuvent se donner libre cours. À la frontière algéro-marocaine, même problème. Grâce à des complaisances vraiment trop excessives, des convois d'armes passent. On a même dû protéger la frontière par une surveillance très spéciale avec réseau de barbelés et patrouilles aériennes. L'importation d'armes se fait là, sur une grande échelle. Un exemple suffira. À la date du 20 décembre 1956, une caravane était interceptée dans la région de Oujda Marnia. Un convoi transportant une grosse quantité d'armes de toutes sortes, où les mitrailleuses et les mortiers étaient nombreux. Ces armes, de nationalités diverses, empruntaient pour parvenir en Algérie la route d'une région voisine, dont l'assistance au hors-la-loi s'avère ainsi notoire et déclarée. Sur mer également, l'utilité des patrouilles s'est révélée efficace. C'est ainsi qu'en octobre, on a saisi et arraisonné à la limite des eaux algéro-marocaines un bateau pirate qui, sous des noms différents, Athos ou Saint-Briavels, apportait au hors-la-loi une cargaison considérable, et son équipage a parlé. Ces 70 tonnes d'armes d'une valeur de plus de 2 milliards de francs étaient destinées aux rebelles. Cette cargaison composée d'armes du dernier modèle comportait plus de 2000 fusils, des mitrailleuses lourdes et 75 mortiers. Elle avait été chargée dans un port égyptien, Alexandrie, par des militaires égyptiens. Cargaison et aveu mettent directement en cause le gouvernement du colonel Nasser, dont la parole de soldat donnée à M. Christian Pinault sur la non-ingérence de l'Égypte en Algérie reçoit là un violent démenti. car il éclate aujourd'hui à tous les yeux, même les plus aveuglés ou les moins avertis, que l'Égypte, en dépit de tous les engagements et de toutes les déclarations, alimente la révolte algérienne. Une page secrète de la rébellion algérienne s'est ainsi ouverte au grand jour. Elle manifeste hautement, aussi bien que les convois venus par la Tunisie et le Maroc, aussi bien que l'attention marquée à Ben Bella, la participation de l'étranger à une affaire purement française. Mais il faut aussi, dans ce regard circulaire, faire allusion à d'autres faits. C'en est un qu'un de ces rebelles, Adjoul, chef d'une bande de l'Aurès, se soit rendu de son propre mouvement et ait lancé un appel à la reddition. Adjoul a compris. Il ne faut pas oublier ces foules qui viennent chercher auprès des Français une sauvegarde qui leur assurera la liberté du travail dans un pays qui menacerait d'être la proie des factions et du désordre continuel comme il l'était autrefois, le jour où la France n'y remplirait pas sa mission. L'Algérie est un problème aujourd'hui, mais un problème français. Un problème français qui exige une solution française. Thank you. ministre. La parole est à madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, hier, le président a parlé, il a menti. Vous n'augmentez pas le SMIC horaire. Vous ne faites que suivre l'inflation et augmenter la prime d'activité que ne touche qu'une personne au SMIC sur quatre. La baisse de la CSG est calculée par foyer. Encore une arnaque. Vous mentez en prétendant créer des emplois. Ou alors, vous ne savez pas lire les graphiques de l'INSEE. Jamais aussi peu d'emplois ont été créés depuis des années. Les mesures annoncées hier représentent 9 milliards d'euros. Et vous ne rétablissez même pas l'ISF pour les financer, pas plus que vous abandonnez la flat tax sur le capital. On vous voit d'ici revenir avec vos obsessions de coupes budgétaires. Autrement dit, vous allez continuer à détruire les services publics qui sont demandés massivement par les Gilets jaunes. Vous n'avez pas compris ce qui vient du pays. C'est une demande de justice fiscale. Qu'enfin, ceux qui gagnent plus paient à proportion de leur richesse. Que les grosses entreprises soient plus imposées que les petites. Là-dessus, pas un mot hier. Le pied de nez au mouvement des Gilets jaunes ne mettra pas fin à la mobilisation. Vous n'avez pas compris ce qui vient du pays. C'est une demande de vie digne contre la vie chère. Vous ne revalorisez pas le point d'indice des fonctionnaires gelés depuis si longtemps. Vous ne faites rien pour les précaires et les temps partiels, rien pour les chômeurs, rien non plus pour les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui. Honte à vous qui continuez à mépriser le peuple en prétendant l'entendre. Le président Macron veut réunir les riches cette semaine. Pourquoi ? Personne ne veut de leur charité. La solidarité seule Madame se Panot fonde à la parole, l'emploi. S'il vous plaît, seule Madame Panot a la parole. La solidarité se fonde sur l'impôt et les plus gros contribuables doivent y consentir sans politesse ni courbette présidentielle. Rendez-nous l'ISF, cessez de brider l'État et nos biens communs. Orientez les 40 milliards du CICE vers la transition écologique dont le président n'a pas dit un mot hier. Mettez en place le référendum révocatoire et le référendum d'initiative populaire. Monsieur le Premier ministre, savez-vous quand le président prévoit que les Français puissent voter pour mettre fin à cette comédie insupportable ? Il est temps. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Caroline Fiat. Monsieur le Premier ministre, les Gilets jaunes vous ont forcé à changer d'attitude. Bravo. Bravo à elles et à eux pour leur mobilisation soutenue par 80% de la population. Depuis plus de 3 semaines, les Françaises et les Français, ces invisibles, ces rien, ces réfractaires, ces fainéants, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Ils sont montés sur la table des puissants et n'en redescendront pas tant que vous n'entendrez pas raison. C'est un encouragement à poursuivre la mobilisation, car de toute évidence, vous n'avez toujours pas compris. Vos annonces, c'est du bricolage, un enfumage qui reporte à après les élections européennes une hausse de taxes pas encore appliquée. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter, mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de 6 mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Monsieur le Premier ministre, la colère ne peut pas être portée à 6 mois, parce que la souffrance, c'est maintenant. Et c'est maintenant que l'Assemblée nationale doit débattre et voter le budget. C'est dans ce budget que vous accélérez la même politique injuste, antisociale, anti-écologique, déconnectée des réalités de la majorité des Français au bénéfice des ultra-riches. Bref, tout ce qui a déclenché la légitime colère des Gilets jaunes. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, dans ce budget rétablir l'ISF, cela ramènerait 4 milliards dans les caisses. Allez-vous, oui ou non, augmenter le SMIC et les pensions de retraite, cela permettrait immédiatement de lutter contre la vie chère. Entendez le cri d'un peuple digne et fier qui n'en peut plus que vous le méprisiez, cédez ou partez. Bravo. Merci, chers collègues. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. éperdu parmi ces gens qui me bousculent. Étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Benalla, dimanche 17 février 2019, Vosges matin. Benalla, Chokri Vakrim, entendu. Le militaire Chokri Vakrim, impliqué dans un contrat négocié avec Alexandre Benalla, avec un sulfureux oligarque russe, a été entendu vendredi comme témoin dans l'enquête sur les conditions d'enregistrement d'une convention de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, révélée par Mediapart. Chokri Vakrim, 34 ans, dont la compagne elle aussi mise en cause a démissionné la semaine dernière de son poste de chef de la sécurité de Matignon, chef de la sécurité de Matignon, a maintenu qu'il n'était pas concerné par ces enregistrements, a dit son avocat. Le convoyeur de fonds devant le juge. Adrien Derbez, le convoyeur de fonds qui a disparu lundi avec un fourgon chargé de 3,1 millions d'euros, a été présenté à un juge d'instruction de Bobigny samedi avec une complice présumée. C'est pas beau ça de voler les banques, hein? Que les banques volent les citoyens, ça fait partie de leur métier, mais l'inverse, quand même pas, faut pas exagérer. Alors, un samedi de plus avec des gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes. Alors on voit là sur la photo un groupe de policiers qui sont équipés comme pour aller à la guerre, hein. Ah oui, ils vont combattre des gens qui sont parfaitement inoffensifs. Et ils sont équipés comme si, voilà, comme s'ils allaient massacrer la moitié de la population française. Ouais. Or, il y a des métiers dont on n'est pas toujours fier, hein, parfois. Hein. Ah oui, ça doit arriver quand même que les gens se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Si c'était mon fils ou ma fille qui était en face de moi, comment je réagirais? Hein, parce qu'ils ont peut-être des raisons de réagir, les uns et les autres, y compris les policiers eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas que des raisons d'être satisfaits. Hein. Faut pas qu'on raconte l'histoire. Poste non pourvu, scandale ou pas? Le Premier ministre Édouard Philippe a qualifié de scandale le fait que des emplois ne soient pas pourvus dans un pays qui compte 3,3 millions de chômeurs. Nous avons fait le point sur cette situation. 3,3 millions de chômeurs, moi je dis c'est faux. Moi j'ai des sources qui disent, qui parlent de 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs comme en 2019, 6 millions de chômeurs en France. C'est comme les 6 millions de chômeurs qu'il y avait en Allemagne en 1932. On sait comment les élections ont tourné en 1932 et comment elles ont tourné en 1933 et ce qui s'en est suivi. 12 ans de nazisme, de militarisme pour l'Allemagne, des années de guerre, et bon, les Allemands ont perdu un sixième de leur population. 10 millions de morts, ils ont eu tout seuls. Les Russes en ont eu 17 millions, etc. Voilà, tout ça parce que, à cause d'élections qui ont mal tourné, et qui ont mal tourné à cause du chômage et de la misère. Alors, nos gouvernants, ils portent une lourde, très, très lourde responsabilité. Faut qu'ils s'en aperçoivent enfin, parce que je pense que ils nous mettent tous en danger, et eux avec, sans doute. Alors, observer les oiseaux avec les oiseaux nature, ben oui, à Remiremont, on peut observer les oiseaux au plan d'eau. Alors, il faut se rendre sur place, et puis, voilà, ne pas oublier éventuellement son appareil photo, parce que certainement qu'il y a de belles photos à faire. Hein. Le robot qui opère à Trévenans. Depuis octobre 2018, le robot chirurgical Da Vinci 10 assiste les longues opérations à l'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans. Il est surtout utilisé en urologie, gynécologie et chirurgie digestive. Voyez, là où il faut des gestes très, très, très précis. Hein, le robot il est capable d'une sûreté, d'une précision du mouvement que la main humaine ne peut malheureusement pas. Hein, hein. Bon, rien n'est parfait, mais de toute façon, on a là le moyen de faire mieux. Des bougies pour les morts et les blessés. Pour marquer les 3 mois de mobilisation et rendre hommage aux morts et blessés pendant les manifestations, une centaine de gilets jaunes ont marché jusqu'à la préfecture des Vosges pour déposer des bougies. Bravo les gars, très bien les gars et les filles, très bien. Vous avez remarqué dans les gilets jaunes, il y a des gens de tous les âges, hein, des gens de toutes professions, des chômeurs, des travailleurs, des retraités, des enfants de chômeurs, etc. Voilà. C'est toute une population qui est en train de se mettre en mouvement. Alors ceux qui avaient laissé démarrer le mouvement pensant que l'hiver avait réglé le compte de tous ces gens-là, hein, les gens qui faisaient le pied de grue sur les ronds-points, ben, ils allaient attraper froid, ils supporteraient mal, ils s'enrhumeraient, ils attraperaient des bronchites, et puis ils dégageraient la piste. Eh ben non. Eh ben non, ceux qui sont tombés malades sont rentrés chez eux pour se soigner. Quand ça allait mieux, eh ben ils sont revenus sur les ronds-points, etc. Il y a eu du monde en permanence. Et le gouvernement, les gouvernements doivent comprendre, parce que les gouvernements, c'est pas seulement en France, hein, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux USA, etc. Il y a des gilets jaunes partout. Ben oui, parce que la situation, la crise économique mondiale, elle est, comme son nom l'indique, mondiale. Il faut trouver des solutions mondiales. Alors, cybermenace. Sur les élections européennes. Donc ça veut dire ça, cette affirmation-là, elle est plus valable qu'un sondage. Parce que si on nous parle maintenant de cybermenaces sur les résultats des élections européennes, c'est que peut-être que certains sondages laissent entendre que ces élections-là risquent d'être catastrophiques pour les gens qui sont au pouvoir actuellement. En France, en Allemagne, en Italie, et en Espagne et ailleurs. Les peuples commencent à en avoir marre qu'on se paye leur tête. Les peuples en ont marre de la misère. Hein. Ils ne veulent plus travailler pour fabriquer de la richesse pour les riches qui sont déjà trop riches. Et alors que eux s'appauvrissent davantage. Plus ils travaillent, plus ils sont pauvres. Alors, 6 éoliennes en cours de construction dans les Vosges. Depuis quelques mois maintenant, 6 éoliennes sont en cours de construction à quelques encablures. Ah, c'est pas des centaines de mètres ou c'est pas des kilomètres. C'est pas, non, c'est des encablures. Voilà. Alors c'est combien une encablure? Ben moi je vous dis, j'avoue que je ne sais pas. Hein. Je crois que sur l'île de Ré, il y avait un atelier où on fabriquait des câbles pour la marine autrefois, du temps de la marine à voile, du temps de Louis XIV, etc. Et un câble, à l'époque, ça devait faire 300 ou 400 mètres. Mais ça ne renseigne quand même pas trop, trop bien. Hein. Donc, à quelques encablures du col du Poirier. Voilà, quelques encablures. Ben, vous prenez votre câble, puis vous montez là-haut et vous mesurez combien d'encablures il y a par rapport au col du Poirier. Le montage des machines se fera en mars pour une mise en service en juillet. Voilà. Eh ben oui, tiens. Ça, au moins, il n'y a pas de déchets radioactifs. Vol privé et poudre blanche. L'affaire Air Cocaïne devant la justice. 6 ans après la spectaculaire saisie de près de 700 kilos de cocaïne sur le tarmac de Punta Cana, les 9 accusés vont pouvoir s'expliquer. Ouais, ils vont devoir s'expliquer. J'espère qu'on va leur mettre la pression et qu'on va démanteler un réseau complet, y compris les messieurs à costard-cravate qui logent dans les beaux quartiers et qui vivent indirectement, mais qui vivent très bien du trafic de la drogue. Parce qu'il y a les trafiquants de terrain qui se font prendre la main dans le sac et qui, eux, finissent en prison. Et puis il y a les autres qui sont cachés derrière les décors et qui tirent les ficelles. Voilà. Alain Juppé sous les ors. Les internautes n'ont pas oublié sa condamnation ni sa large défaite à la primaire de la droite. Ben lui, il a oublié. C'est bien ça. La mémoire, c'est sélectif. Eh oui, c'est... Une libraire indépendante s'attaque à Amazon. La libraire, avec l'accord de son actionnaire majoritaire, l'évêché, a saisi le cabinet hospitalier, Synergie, l'avocat, etc., afin de mener une action en justice à l'égard de Amazon. Alors bon, je n'ai pas une tendresse particulière pour Amazon, mais Amazon permet parfois de recevoir des bouquins qui n'existent plus qu'en quelques exemplaires, en bon état ou un peu moins bon état, un peu cher ou pas trop cher ou pas cher du tout. Chose que les libraires professionnels, ayant pignon sur rue, ne peuvent souvent pas faire. Ils ne cherchent même pas d'ailleurs. Ils étaient tellement assurés d'avoir une fonction qu'on ne pouvait pas leur prendre, on ne pouvait pas leur prendre leur emploi. Le chômage, c'était pour les ouvriers, bien sûr. C'était pas pour les libraires, allons. Ni pour les épiciers, ni pour les petits bouchers, ni pour les... etc., etc. Le petit commerce, il est en train de dérouiller à son tour. Eh oui, c'est chacun son tour. La misère, elle part du tout en bas de la société, et puis elle monte progressivement. Vous savez, comme une inondation. L'inondation qui monte dans votre cave, et puis vous voyez les bouteilles qui flottent, et puis ça monte. Hein, voilà. Et puis, c'est comme ça, la crise sociale. Quand on appauvrit le peuple, il arrive un moment où la pauvreté, elle arrive nettement plus haut que ce qu'on aurait pu espérer, forcément. Hein. Voilà. La souffrance sociale, pessimiste pour l'avenir de ma région. Alors, Grand Est, 52%. Bourgogne, Franche-Comté, 52%. Centre-Val-de-Loire, 52%. Auvergne, 38%. Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, dans le Grand Est, on est les champions pour le pessimisme. Voilà. On sait que depuis 50 ans, on perd de plus en plus d'emplois, on a de plus en plus de chômeurs, on a de plus en plus de sans-abri, on a de plus en plus de misère. Alors, les élus qui ont régné, pendant toutes ces années-là, eh ben, ils peuvent pas être fiers d'eux. Et nous non plus, on peut pas être fiers d'eux, d'avoir voté. Et on peut encore moins être fiers d'avoir voté pour eux. Et lorsqu'on avait voté pour eux une première fois, d'avoir recommencé à voter pour eux. Alors ça, c'est vraiment... faut tenir une bonne couche. Injustice. 78% des Français jugent la société actuelle injuste, dont 28% très injuste. Et 63% convaincus qu'en France, la réussite sociale est jouée d'avance. Eh oui, si t'es gosse de riche, t'as des chances d'être riche un jour. Eh oui. Sinon, ben ma foi... tant pis. Bassin d'emploi d'Épinal. 30,3% des 57 085 actifs du bassin sont des employés. 11,2% des actifs sont non salariés. 63,7% des demandeurs d'emploi du bassin sont non qualifiés. Alors, il faudrait savoir ce qu'on entend par non qualifiés. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'école, qui ont fait un apprentissage, etc. Donc, et puis les gens, ils sont capables d'apprendre un métier très rapidement quand il y a besoin. Faut pas qu'on vienne nous raconter des histoires. Adapter les compétences aux besoins des entreprises. Eh ben oui, la dame, elle était choisie parce qu'elle avait des belles lunettes qu'elle s'est mettre bien sur ses cheveux, etc. Ça fait très élégant, mais ça n'en fait pas une diseuse de vérité. La timide embellie du marché de l'emploi. Bon, allez, hop. Oh là là. Le jardin de Sébastien Levray primé. Sébastien Levray a fondé son auto-entreprise, jardinage entomologiste. Entomologique, il y a 10 ans, il a créé des hôtels à insectes, refuge pour la biodiversité. Il vient de recevoir le prix Audace 2019 lors du Salon des entrepreneurs de Paris. Eh ben voilà. Ben tiens, il va créer une usine qui fabriquera des hôtels à insectes qu'on placera un peu partout en France, à toutes les altitudes, à toutes les latitudes, qu'on exportera dans le monde entier, et ça fera rentrer des devises. Ben alors, vous allez voir, on nous a montré l'autre fois les réserves d'or de la Banque de France, je ne sais plus comment c'est dit, 12 000 tonnes d'or. On va encore en empiler. Hein. Là, la France va s'enrichir encore un sacré coup. En tout cas, certains Français, pas tous. Commerce, un risque de guerre. La France enregistre sa 15e année de balance commerciale en déficit. Pourquoi ? les réponses de Frédéric Sanchez, président du MEDEF international et PDG de FIV, groupe d'ingénierie industrielle qui exporte dans le monde entier. Alors, voilà, tiens, il y a un monsieur, là, bien sapé, en chemise, qui parle devant des gens. Face à un millier de jeunes dans Saône-et-Loire, le président a répondu jeudi pendant 4h30 à des questions parfois similaires à celles des grands. Un exercice d'éducation physique interactif d'un nouveau genre. Voilà, ben ça c'est un article, on a consommé du papier et de l'encre, c'était peut-être pas nécessaire. Hein. Voilà. Faudrait aussi que les journalistes, que les gens de presse arrêtent de prendre un peu les électeurs pour des billes. Enregistrement, Benalla, la chef de la sécurité de Matignon, démissionne. L'affaire Benalla continue de dévoiler ses ramifications tentaculaires. Dernier épisode en date, démission de la commissaire jeudi de sa fonction de chef du groupe de sécurité du Premier ministre, GSPM. Marie-Élodie Poitou explique ne pas vouloir exposer Édouard Philippe tout en assurant n'avoir aucun lien avec les enregistrements d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, révélés par Mediapart. Les enquêteurs l'ont en effet entendu mercredi afin de vérifier si cette conversation n'avait pas été enregistrée à son domicile. L'urgence écologique, la planification écologique. Le changement climatique a commencé et s'accélère. Il menace de détruire le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Comment empêcher la catastrophe ? La transition énergétique est vitale. Il s'agit de répondre ici et maintenant à l'intérêt général humain face au dérèglement climatique. Ce grand changement doit modifier tous les compartiments de la vie de notre société par une planification écologique. Nous savons bien que tout cela nécessite des investissements massifs, une abondante main-d'œuvre qualifiée et bien payée. Mais l'exigence écologique ne peut être réduite à des proclamations et des mesures qui épargnent le système. La finance n'en veut pas. Elle préfère les grands rendements de la spéculation. La définanciarisation de l'économie est une condition incontournable de la transition écologique. Jean-Luc Mélenchon. 38. La transition écologique, enjeu central. Pour les tenants du système, l'écologie est une question à part. C'est tout l'inverse. L'urgence écologique est une question fondamentale. C'est autour et à partir de l'exigence écologique que doit se penser toute la politique de la nation. Pour cela, la préoccupation écologique doit être inscrite au sommet de la hiérarchie des normes et de l'activité de l'État. Le temps de l'écosystème, c'est le temps long. Le temps court de la finance et du productivisme saccage tout. La reconquête du temps long est la principale exigence. C'est le but de la planification écologique. Mettre en cohérence dans le temps et dans l'espace les mesures nécessaires pour faire bifurquer le modèle de production, de consommation et d'échange. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Constitutionnaliser la règle verte. Ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. Adopter une loi cadre instaurant une planification écologique, démocratique et articulant les niveaux national et local. Créer une fonction de délégués départementaux à l'écologie chargée d'alerter sur les dysfonctionnements, sur le modèle des délégués départementaux de l'éducation nationale. 39. 100% d'énergie renouvelable en 2050. Le changement climatique impose de sortir des énergies émettrices de gaz à effet de serre. Le nucléaire n'est pas une solution d'avenir. Il ne règle aucune question. Ni l'indépendance d'approvisionnement, ni la sûreté des installations, ni la gestion des déchets, ni les coûts financiers. Il faut donc sortir des deux à la fois. C'est un horizon technique et humain enthousiasmant. Plusieurs études, négawatts, ADEME, ont montré que c'est possible d'ici 2050. Ne manque que la volonté politique. Nous l'avons. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Adopter un plan de transition énergétique avec un double axe sobriété, efficacité énergétique et transition vers les énergies renouvelables. Développer l'ensemble des énergies renouvelables. Sortir des énergies carbonées en commençant par l'arrêt des subventions aux énergies fossiles et de toute exploration de gaz et pétrole de schiste et de houille. Stopper la privatisation des barrages hydroélectriques. Sortir du nucléaire. Fermer immédiatement Fessenheim en garantissant l'emploi des salariés et leur formation pour en faire un site pilote du démantèlement. Abandonner l'opération du grand carénage visant à prolonger la vie des centrales nucléaires au-delà de 40 ans. Abandonner les projets d'EPR, Flamanville et Hinkley Point, et d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Rendre publiques les données sur l'enfouissement des déchets nucléaires depuis 60 ans et informer sur les dangers sanitaires avérés et ou éventuels. Créer un pôle public de l'énergie pour mener une politique cohérente en renationalisant EDF et Engie, ex-GDF, en lien avec des coopératives locales de production et de consommation d'énergie renouvelable et en favorisant l'autoproduction et le partage des excédents. Revenir sur la libéralisation du marché de l'électricité et abroger la loi Nommé. 40. Plan de rénovation écologique de tout le bâti. Le bâti est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Les logements en passoires thermiques restent très nombreux, pénalisant financièrement ceux qui les occupent, propriétaires et locataires. Les dispositifs existants ne sont pas assez efficaces, trop dispersés, trop dépendants de l'action individuelle des propriétaires. Un véritable plan doit être mis en place pour changer d'ampleur et de résultat. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Assurer l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Renforcer les programmes locaux de détection des passoires énergétiques avec davantage de moyens humains et financiers. Mettre fin aux situations de précarité énergétique que vivent les ménages. Former, labelliser et coordonner les professionnels de la rénovation énergétique afin d'imposer une obligation de résultat. Mettre en place un guichet unique regroupant les demandes de financement, l'évaluation des besoins, la coordination des professionnels nécessaires pour organiser la rénovation par les propriétaires individuels. 41. Développer les transports publics écologiques et repenser la mobilité individuelle. Avec le bâti, les transports sont très émetteurs de gaz à effet de serre et rien n'est fait pour améliorer cela. Les précédents gouvernements ont abandonné le transport ferroviaire au profit de la route, camion, bus Macron. La libéralisation générale, ferroviaire, portuaire, empêche une politique volontariste en laissant libre cours au marché. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Développer le transport ferroviaire. Adopter un plan de développement du ferroutage et de report modal pour réduire le transport routier de marchandises. Refuser la mise en concurrence du transport ferroviaire, bloquer l'ouverture à la concurrence des TER d'ici 2023 et des trains de nuit, remettre en cause la libéralisation du transport de marchandises et voyageurs grande ligne. Revenir sur la loi Macron et l'autorisation du cabotage par autocar. Les liaisons par autocar doivent être autorisées seulement là où il n'y a pas de ligne TER et non en concurrence avec elle. Développer le cabotage maritime entre les ports français et le transport fluvial. Renationaliser les autoroutes. Repenser la mobilité individuelle. Engager la sortie du diesel en commençant par supprimer progressivement l'avantage fiscal pour les flottes d'entreprises. Développer les usages partagés de la voiture, autopartage, covoiturage, courte et longue distance, et les mobilités douces, vélo, etc. Développer les véhicules électriques pour les flottes captives. 42. Pénaliser les transports sur longue distance pour relocaliser les productions. C'est le règne du déménagement permanent des marchandises. Les chaînes de production et les lieux de consommation sont de plus en plus éloignés. Pour relocaliser les productions au plus près des consommateurs, le protectionnisme solidaire doit s'accompagner d'une politique qui pénalise les transports de longue distance, notamment routiers. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Introduire une contribution carbone sur le transport de marchandises. Instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour intégrer le coût écologique dans les produits, qui dépendra de la distance parcourue par les produits importés. Privilégier systématiquement les circuits courts et les productions locales dans la commande publique, alimentation, fourniture, etc., et les rendre obligatoires pour les cantines scolaires. 43. Consommer autrement. Le système aujourd'hui est absurde. Il prive d'eau les personnes qui ne peuvent payer et ne pénalise pas le mésusage. Changeons de logique, imposons la gratuité des quantités nécessaires à une vie digne et sanctionnons le gaspillage. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Instaurer une tarification progressive sur l'eau et l'énergie, incluant la gratuité des quantités indispensables à une vie digne et pénalisant les mésusages et gaspillages. Soutenir la création de coopératives de consommation en lien direct avec les producteurs. Imposer l'objectif d'une alimentation 100% biologique locale dans la restauration collective. Réduire la part des protéines carnées dans l'alimentation au profit des protéines végétales. 44. Une France zéro déchet. Le tiers des aliments produits est jeté, alors que tant de personnes n'arrivent pas à se nourrir correctement. Un nouveau continent s'est formé, fait de déchets plastiques flottants. L'ère du jetable et des déchets doit cesser. plusieurs villes du monde sont engagées dans des démarches visant à éliminer les déchets. La France peut montrer l'exemple. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Combattre l'obsolescence programmée des biens de consommation par un allongement des durées de garantie légale des produits. Lutter contre le suremballage, le gaspillage, notamment alimentaire, et refuser le tout jetable. Rendre obligatoire le recyclage, le compostage ou l'incinération avec récupération de l'énergie produite pour tous les déchets. Généraliser les consignes dans les commerces. Soutenir toutes les initiatives s'appuyant sur la réutilisation des matériaux, ressourcerie, et développer les filières scolaires et universitaires professionnelles dans le secteur. 45. Sauver l'écosystème et la biodiversité. L'activité humaine est en train de provoquer une sixième grande extinction d'espèces vivantes. La biodiversité recule sous les coups du changement climatique, des pollutions, du braconnage, etc. La lutte pour la préservation de cette biodiversité passe évidemment par une action vigoureuse au niveau international pour lutter contre ces causes. Mais elle passe aussi par des actes nationaux et locaux. En somme, chacun doit apprendre à protéger la nature et la biodiversité. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Refuser la brevetabilité du vivant à tous les niveaux, lutter contre la biopiraterie. Refuser les OGM, bannir les pesticides nuisibles en commençant par une interdiction immédiate des plus dangereux, glyphosate, néonicotinoïdes, etc. Gérer durablement l'eau, bien commun essentiel à toute forme de vie, lancer des programmes de dépollution des cours d'eau et océans, favoriser la création de régies publiques de l'eau au niveau local pour une gestion démocratique. Sanctuariser le foncier agricole et naturel et lutter contre l'artificialisation des sols. Généraliser les fermes pédagogiques pour la sensibilisation à l'enjeu écologique et l'éveil à la nature. Éradiquer la maltraitance envers les animaux. 46. Pour une agriculture écologique et paysanne. L'agrobusiness détruit tout. L'écosystème, la santé des consommateurs et celle des paysans. Les maux sont connus. Pesticides chimiques, gigantisme agricole, ultra-spécialisation et soumission au libre marché. À terme, ce système met à mal notre capacité à nourrir l'humanité. On peut faire autrement, produire mieux pour se nourrir mieux. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Engager la réforme agraire pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs en limitant la concentration des terres et la course à l'agrandissement, et créer 300 000 emplois agricoles grâce à des prix rémunérateurs et une refonte de la PAC. Stopper les projets de fermes-usines. Développer l'agriculture biologique, proscrire les pesticides chimiques, instaurer une agriculture diversifiée et écologique, polyculture, élevage, etc., et promouvoir les arbres fruitiers dans les espaces publics. Favoriser les circuits courts, la vente directe, la transformation sur place et plafonner les marges de la grande distribution par un coefficient multiplicateur limité pour garantir des prix rémunérateurs aux producteurs et interdire les ventes à perte pour les agriculteurs. 47. Organiser et aménager le territoire par la démocratie et les services publics. Quelques métropoles reliées entre elles par le TGV et tant pis pour le reste du pays. C'est la ligne appliquée en matière d'aménagement du territoire depuis des années. Bilan, des territoires ruraux et des petites villes abandonnées, des métropoles explosées entre ghettos de riches et quartiers pauvres. Remettons de l'ordre et de la justice dans l'organisation du pays. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Arrêter les grands projets inutiles comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Inverser la logique des métropoles et des méga-régions, de la compétition entre territoires. Stopper l'étalement urbain en incitant au rapprochement entre bassins de vie et bassins d'emploi. Défendre et reconstruire le maillage de transports en commun et de services publics sur tout le territoire, dans les départements ruraux et les quartiers populaires. 48. Exploiter durablement la forêt française. La France possède l'une des plus importantes forêts d'Europe. Mais nous importons chaque année du bois pour construire des meubles ou des maisons. Pire, la forêt française est progressivement abandonnée à la finance. Ce joyau mérite une autre politique, écologiquement soutenable et utile pour construire une filière bois créatrice d'emplois locaux. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. S'opposer à la marchandisation de la forêt française, refuser la privatisation de la forêt publique et garantir les moyens de l'Office national des forêts. Développer la filière bois française pour permettre une exploitation forestière respectueuse du rythme des forêts et de la biodiversité, répondant aux besoins, chauffage, ameublement, construction, etc., et créatrice d'emplois locaux. Soutenir par la commande publique le développement des constructions en bois issues des forêts françaises.